Bonjour à tous, ici Émilie, votre animatrice de coup de tête. On repousse souvent nos rendez-vous chez le dentiste par appréhension, et pourtant, ces médecins jouent un rôle tellement important pour notre santé. J'ai grandi auprès de l'un d'entre eux, et j'ai pu voir combien ce métier peut être exigeant et à quel point il peut faire une vraie différence, notamment en détectant des maladies graves, comme les cancers de la tête et du cou. Dans son podcast « Entretien avec un dentiste », Florence Etcheverry met en lumière l'aspect humain de cette profession et elle nous dévoile les coulisses d'un métier qui est souvent méconnu. Je vous recommande d'aller l'écouter. Vous y découvrirez aussi le témoignage de Sabrina, la présidente de notre association Corasso, dont la vie a changé après une simple consultation annuelle chez son dentiste. Alors que vous soyez patient, soignant ou simplement curieux, ce podcast vous offrira un nouveau regard sur le monde dentaire. Et qui sait, peut-être que vous finirez par prendre ce rendez-vous qui traîne sur votre to-do list depuis des semaines. Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Aujourd'hui, nous sommes avec Antoine, un jeune papa de 37 ans et qui vient tout juste de reprendre le travail après 4 ans et demi d'arrêt maladie. Alors, bonjour Antoine et merci de nous accueillir chez toi. Bonjour Émilie, je t'en prie. Tout d'abord, bravo à toi pour la reprise du travail. Merci. Et j'ai hâte que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé. Ouais. Dans le dernier épisode, on parlait avec Charlotte des cancers de la tête et du cou qui ont des répercussions directement sur le social, notre rapport à l'autre. Et en effet, c'est vrai que ces cancers peuvent modifier la voix, mais ils peuvent également avoir des répercussions esthétiques, physiques. Nombreux sont les patients qui doivent faire face à un nouveau reflet dans le miroir suite aux chirurgies mutilantes, avec toutes les répercussions psychiques que ça peut impliquer, comme le regard des autres, et s'accepter de nouveau. Et toi, c'est ce qui t'est arrivé, Antoine. C'est ça. En 2019, on t'a diagnostiqué un cancer des sinus. Exact. Ça a été un gros bouleversement dans ta vie, d'autant plus que 6 mois après, tu avais prévu de te marier. Ouais. Et tu t'es marié, d'ailleurs. C'est ça. Et également de fonder une famille. Absolument. Et tu venais même tout juste de quitter ton travail. Ouais, j'ai été inspiré. J'avais posé ma démission 10 jours avant d'apprendre que j'avais un cancer, ouais. Alors le chemin aujourd'hui, il est encore long. Tu es dans un parcours de reconstruction de la pyramide nasale. Un immense merci à toi de te livrer sur ce lourd sujet de l'apparence physique et du regard des autres. Je t'en prie. C'est important de livrer son témoignage, je trouve. Alors, première petite question que j'aimerais te poser. Je sais que les derniers mois n'ont pas forcément été simples avec les dernières opérations. Alors déjà, comment toi tu vas aujourd'hui ? Bah écoute, ça va bien. En termes d'énergie et tout, je trouve que ça va, malgré le fait d'avoir repris récemment. En fait, bon voilà, c'est un nouveau rythme à avoir, surtout quand t'as une vie de famille à côté. Comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, ma reconstruction n'est pas totalement terminée. Le problème dans ces pathologies, c'est que tu sais jamais quand est-ce que c'est terminé, en fait. Il y a tellement de rebondissements, d'aléas, de choses que tu ne maîtrises pas, que c'est très compliqué de se projeter. Ça, c'est un des grands enseignements que j'en ai tiré aussi, c'est que faut autant que faire se peut éviter de se faire des plans sur la comète. On m'avait appris que j'avais un cancer et je m'étais dit, ok, c'est l'histoire de 6 mois, 1 an. Après, je suis de retour. En fait, l'histoire m'a prouvé que presque 5 ans après, je suis encore dedans, quoi. C'est vrai que toi, Antoine, tu as eu un parcours particulièrement complexe. Il faut garder en tête que chaque parcours et chaque histoire est unique. Et les parcours de soins et de reconstruction sont relativement différents d'une personne à l'autre. Et dépendent aussi de plusieurs facteurs comme la nature de la tumeur, son stade, sa localisation. Et aujourd'hui, toi, Antoine, tu vas nous raconter ton histoire avec tes mots et avec ton authenticité qui construisent la personne résiliente que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tout a commencé, quels étaient les premiers symptômes que tu avais ? Alors en fait, moi j'ai toujours eu une narine bouchée. Depuis que je suis tout petit, en fait, je passe mon temps à me moucher. Et j'ai toujours eu des rhinos, etc. Et en fait, ça a commencé en 2011 où on s'est aperçu que j'avais une déviation de la cloison nasale et que j'avais un polype. Donc j'ai été opéré en 2011. On m'a enlevé ce polype et puis il y a eu une autre opération en 2018 où il y a eu à nouveau un polype qui m'a été diagnostiqué. Donc on m'a opéré. Après analyse, on s'est rendu compte que c'était pas un polype, mais qu'il y avait également une tumeur bénigne. Donc il était prévu qu'on m'enlève en septembre 2019 cette tumeur bénigne. À partir de avril 2019, je commence à avoir vraiment des douleurs au nez. De plus en plus forte, l'aspect sinusite frontale que j'avais très régulièrement, mais qui s'accentuait énormément. Et en fait, ça prenait de telles proportions que, en fait, visuellement, il y avait une différence. Et j'ai le nez qui a triplé de volume. Donc j'ai été opéré, mais ils ont quand même pas vu que j'avais une tumeur. Et bref, j'ai consulté. Et en fait, j'ai insisté, à tel point que je suis quand même allé de mon propre chef faire une IRM dans un centre spécialisé. Ouais. Je me souviens de toute ma vie. Donc le débrief du radiologue qui me dit non mais écoutez non c'est tout à fait normal. Je vois pas pourquoi vous êtes venu faire une IRM. Et j'ai quand même amené les résultats de l'IRM au rendez-vous de suivi de l'hôpital dans lequel j'ai été suivi. Suite à mon opération pour la tumeur bénigne. Et au début, le chirurgien me dit non, ça a l'air bien et tout. Et je fais ok, bon, très bien, je suis parti du rendez-vous. Et il m'a appelé 4 heures après, il m'a dit bon, écoutez, on a vu avec un radiologue de l'hôpital, il faudrait que vous reveniez nous voir. Et donc, du coup, je suis retourné là, ils m'ont dit ok, on va planifier une biopsie. Biopsie au mois d'octobre, et fin octobre, j'ai eu le coup près tombé. Carcinome épidermoïde de l'ethmoïde gauche. Ok, donc toujours avec des noms en plus très, très barbares où tu comprends pas forcément, mais ce qui veut dire en d'autres termes un cancer. Bah, cancer des sinus. Cancer des sinus. En fait, on a 4 sinus x 2 à gauche et à droite. Okay. Et l'ethmoïde, c'est un des sinus les plus profonds. En fait, le truc, c'est que mon cancer était hyper agressif et à la fin, ça faisait la taille d'une noix qui était entre mes yeux et mon cerveau. Stade 4, parce que ça commençait à attaquer la peau. Le protocole, c'était faire de la chimiothérapie. En première intention. En première, okay. Pour faire dégonfler la tumeur. D'accord. Deuxième phase, opération. Okay. Donc là, on vient m'enlever un cube du visage. Et en troisième lieu, de la radiothérapie, pardon. 35 séances, couplées à de la chimiothérapie pour optimiser les effets de la radiothérapie. Comment toi tu l'as vécu quand on t'a dit on va faire une opération et donc on va enlever la moitié du nez au milieu des sourcils? Au début, je me souviens que j'étais vraiment... le but, c'est de guérir, quoi. Et après, évidemment, très vite, t'as la question esthétique, mais c'est un crève-cœur, tu te dis que tu n'auras plus jamais le même visage. Tu pars dans l'inconnu et je me souviens très bien le chirurgien qui me disait reposez-vous bien, faites-vous plaisir parce qu'il va falloir être fort. Okay. Tu vois, genre il me l'a dit d'une manière il se doutait de tu vois, la montagne, l'Everest à gravir derrière, quoi. Et toi tu l'avais compris à ce moment-là tout... Non, en fait, c'est marrant parce qu'en échangeant avec des patients de Corasso, j'ai déjà entendu ça d'autres patients. C'est-à-dire, t'as une forme, entre guillemets, un peu de naïveté, genre, oui, je vais me faire opérer, tu vois. Alors, basta. Non, en fait, genre, ta vie ne sera plus pareille. Mais parce que en fait t'es tellement pris sur le premier sujet, genre en fait on parle de mort ou de vie, quoi. Donc là t'es en mode tu survis, quoi. En fait, à la base, l'opération c'était donc découper une partie de mon nez, enfin enlever vraiment un cube, et ils m'ont prélevé un morceau de l'avant-bras et ils m'ont regreffé le lendemain mon lambeau a nécrosé, donc j'ai dû repasser sur la table d'opération et ils m'ont prélevé un morceau de la cuisse. Comment ça s'est passé après cette opération-là justement ? C'était horrible. Franchement, c'était horrible ce truc. C'est franchement, je pensais être d'un naturel optimiste vraiment, hein. Mais là, tu vois, c'est un des seuls moments dans ma vie où genre j'ai perdu espoir. Je me suis dit, je suis mort à l'intérieur de moi. Tu vois. C'est plus possible en fait s'il n'y a pas de solution. Tu ne peux pas faire face à ça, tu vois. En fait, je me voyais vraiment, genre, mais dans un cauchemar, vraiment la sensation que, genre, il n'y a pas de possibilité. Ne pas voir l'avenir, quoi. Genre, et puis esthétiquement, tu vois, genre, je voulais pas me voir, tu vois, j'ai mis peut-être 15 jours avant de me voir dans le reflet. À l'hôpital, quand t'étais... En fait, la première fois que je me suis vu, c'est dans le reflet de la tablette, dans l'hôpital dans lequel j'étais. Et en fait, je faisais hyper gaffe en fonction de l'inclinaison. Et en fait, j'ai croisé mon regard et j'ai sursauté, tu vois. Mais à ce moment-là, on te dit que tu auras d'autres opérations de reconstruction. Oui, oui, oui. En fait, ça, c'était très clair dans ma tête. C'était en deux temps. Vraiment, on se concentre sur guérir, quoi. Enfin, ouais. Enlever la tumeur. Rémission, ouais, voilà. Ouais, on se focus ça. Là-dessus. Ouais. Et après, dans un second temps, une fois que ce sera stabilisé, ils m'ont dit, de toute façon, c'est pas tout de suite, hein, mais genre un an ou un an et demi après, on commence la reconstruction. Et on te dit combien d'opérations tu auras? En fait, dans l'idée, on me disait 3-4 opérations. Mais ça n'a pas du tout pris... la trajectoire voulue. En fait, la date de ma reconstruction a été décalée parce que ma greffe s'est réouverte. Donc au début, on m'avait prélevé un petit bout de cou. Après, on s'est dit, OK, bon, bah, on va pouvoir commencer la reconstruction faciale, donc prendre un morceau de front et qu'on retourne et qu'on met sur le nez. Et là, ça s'est réouvert. On m'avait mis également une partie de Medpore. C'est une matière qu'on utilise dans la reconstruction, qui reforme la partie d'os du nez. Et en fait, ça s'est réouvert. Et du coup, comme ça s'était ouvert, la partie de Medpore avait été exposée. Donc, il y avait un risque infectieux. Donc, on a tout enlevé. Et mon chirurgien s'est dit, OK, on va prélever un morceau de muscle du dos. On va le remettre au niveau du front pour avoir de la matière. Et on va le vasculariser au niveau de la tempe droite. Et là, en fait, les chirurgiens étaient hyper contents d'eux, ça avait bien pris, etc. Donc, je reste une dizaine de jours à l'hôpital et je ressors. Et en fait, quelques jours après, enfin vraiment genre 48 heures après, j'ai la tempe hyper gonflée et j'ai pas loin de 40 de fièvre. Et en fait, il y a ma veine qui s'est ouverte. Et il y avait un risque d'infection, quoi. Donc ça. Et ils m'ont tout enlevé. Et du coup, ils m'ont réopéré. Ils m'ont repris une autre partie du front. Ce trou béant qui apparaît. En fait, moi, je l'ai eu au tout début. C'était quand je te disais mon cancer. Il était au stade 4 parce qu'il attaquait la peau. Il commençait à nécroser la peau. Et en faisant de la chimiothérapie, ça m'a fait vachement dégonfler la tumeur. Mais en fait, moi, il y a un trou qui est apparu, quoi. C'est là que j'ai commencé à avoir un pansement pour cacher ce trou. Pansement que j'ai eu, en fait, je l'ai enlevé il n'y a pas si longtemps. Hein. Je l'ai enlevé il y a peut-être un mois, mon pansement. Et j'ai plein de potes qui m'ont dit « Ah ouais, mais c'est la première fois que je vois son pansement. » Mais parce que tu vois, ça me servait de cache-misère. Donc toi, tu gardais ce pansement-là, mais quel regard tu t'apportais à toi ? Est-ce que les miroirs, tu les évitais ? Au tout début, oui. Ça dure un certain temps. À partir de la première opération, en janvier 2020, jusqu'à... j'ai quand même osé regarder le miroir à partir de mi-février. Tu vois, un truc comme ça. Et après, mon visage, il a fait que changer. Il y a une nouvelle cicatrice. Et en fait, ce qui est un peu horrible, c'est que t'as de nouvelles cicatrices avec la reconstruction. Mais en fait, genre ça, je l'avais pas. Ça, je l'avais pas. Ça, je l'avais pas. Tu te dis, putain, mais en fait, mon front, il était nickel. Et là, on tape dedans, on a une nouvelle cicatrice. Mais bon, c'est au profit de ton nez et de refaire un truc harmonieux, etc. Et les cicatrices, elles s'apaisent avec le temps. Oui. Tu fais toujours des cures thermales pour adoucir les cicatrices. J'en avais fait une un peu pour tester. Donc une cure, c'est 3 semaines. Moi, j'avais fait que 2 semaines parce qu'il y avait un second confinement. Donc la 3e semaine est passée à l'as. Mais oui, ça a de réelles vertus sur tes cicatrices. Sur, tu vois, celle-ci, elle a été hydratée et elle a une bonne couleur, tu vois, genre elle est bien harmonieuse, je trouve. Après, j'ai la chance de bien cicatriser, donc ça, c'est un plus. Ouais. Et en effet, comme tu le disais tout à l'heure, le temps joue en ta faveur, les kinés aussi jouent un grand rôle. Et après, une cicatrice, ça évolue, hein. Il faut la travailler, il faut la préserver du soleil. Moi, je me balade systématiquement avec une casquette et je m'expose surtout pas. Celle-ci à l'avant-bras, je peux l'exposer parce que déjà c'est moins gênant que sur le visage, mais aussi pendant un an et demi, 2 ans, je l'ai vraiment vachement isolé du soleil. J'avais un petit manchon que je mettais, ou quand c'était pas un manchon, quand j'étais en t-shirt, c'était un pull ou une manche longue. Et après, t'as de nouvelles opérations qui ont pour but aussi de... Tu vois, mon chirurgien, il reprend les cicatrices existantes. Là, celle-ci, plus récemment, celle que j'ai entre les deux sourcils, au début, elle faisait une vague. Ma dernière opération, il l'a lissée de manière à faire un truc plus harmonieux, plus moins visible, plus fin. Donc voilà. Est-ce que tu dirais que tu avais hâte, entre guillemets, que l'opération arrive parce que du coup, tu avances ? Absolument. Ouais. Absolument. Tu sentais que ça, tu absolument. Allais de l'avant. Je l'ai toujours eu. Cette hâte de reprendre, de réavoir une opération, etc. Je l'ai toujours eu. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on n'a pas évoqué la partie radiothérapie. Oui. Qui, pour moi, était bien plus dure que la chimiothérapie. Et donc, j'ai eu 35 séances. Ouais. J'étais tout brûlé. Ah ouais. Je ne mangeais plus rien. J'ai perdu 20 kilos. Et moi, j'ai vraiment un souvenir horrible déjà à ce masque qu'on te met, qui est abominable. Mais genre, en fait, on te moule un masque sur le visage. Et après, c'est pas le tout. C'est une grille donc en plastique qu'on fait chauffer et qu'on te colle de manière à ce que ça prenne exactement, ça épouse exactement les moindres formes de ton visage. Et après, il y a quelqu'un qui vient verrouiller une vis tous les 3 cm pour que ce soit collé vraiment. Et genre, mais j'avais le souvenir que j'étais tellement bloqué, collé, que je ne pouvais même plus déglutir. Et moi, j'ai fait une crise d'angoisse le premier jour. Je leur ai dit, non, mais c'est... En fait, arrêtez. J'étais tout brûlé de l'intérieur. J'avais plus de salive. J'avais la bouche hyper sèche. Et j'étais... Même, ça se voit sur ma peau. Tu sens qu'elle est moins hydratée. Et alors, en plus, couplé à de la chimiothérapie, moi, je me souviens de... À mon retour d'un cycle de chimiothérapie, j'ai eu 2 cycles de chimiothérapie pendant ces 35 séances de radiothérapie. Et genre pendant 48 heures, j'ai dormi, quoi. Genre, vraiment. Ma femme venait me réveiller pour savoir si j'allais bien, mais j'ai fait que dormir pendant 48 heures. Là, je n'ai plus d'odorat, j'ai perdu l'odorat le jour où on m'a opéré. Mais ça, on m'avait prévenu. Ok. Bon, voilà, ça reste un deuil. Hein. Tu perds un des cinq sens, certes, c'est le moins utilisé, peut-être, mais moi qui aimais bien cuisiner, etc., et avec cette radiothérapie, j'ai perdu le goût. Okay. Et je me souviens que c'était revenu au mois de fin mai, début juin. Et l'un des premiers trucs, je me souviens, que j'ai senti, c'est pourtant pas un plat de fou, hein, c'est tomate mozza. Okay. Je me disais, ah, mais c'est incroyable et tout, je ressens le goût. T'es genre miraculeux de retrouver, quoi. Est-ce que t'as perdu certaines fonctions du nez? Le nez, il sert à filtrer l'air aussi, pour filtrer certaines impuretés et tout. Est-ce que tu dois nettoyer régulièrement ton nez avec du sérum Fi? Exact. Ça, c'est une routine que tu dois mettre en place? Oui, en fait, alors, t'appelles ça une seringue de gavage chez le pharmacien et du sérum Fi. Et aujourd'hui, c'est le matin, à midi et le soir. J'en fais trois minimum. En revanche, moi, on ne m'a enlevé que, entre guillemets, la moitié du nez. Donc, la partie qui filtre, on n'a jamais parlé plus que ça, mais elle est conservée avec notamment les poils du nez que tu as au bout des narines. Ça, du coup, ça fait partie de mon quotidien. J'ai appris à me fabriquer mon sérum Fi. Ah oui? Ouais. Ouais, okay. tu fais 1 litre d'eau bouillante pour 2 cuillères rases de gros sel. Et ouais, parce qu'en fait, sinon, je fais une consommation telle que, genre, moi, je prends 1 litre de sérum Fi tous les 2 jours, quoi. Je voulais revenir tout à l'heure sur ce que tu disais par rapport à la reconstruction. Et par rapport à face aux symptômes, justement, la campagne qu'on a eue avec Corasso, il y avait le témoignage de David, qui, comme toi, il a eu un cancer des sinus. Et lui, il a une ablation totale du nez et il a une épithèse. Oui. Qui, les épithèses, c'est une prothèse faciale pour combler ou remplacer une partie du visage qui a été, été enlevée. C'est ça, une prothèse de visage, ouais, voilà. Exactement. Est-ce que toi, c'est quelque chose qu'on t'avait proposé ou c'était pas possible face au cancer que t'avais? Si, c'est un truc que j'ai eu. Alors, c'était pas possible tout de suite, immédiatement. Moi, j'ai eu des pansements pendant très longtemps. Donc, voilà, une fois que la peau qu'on t'a greffée s'est intégrée au reste de la peau du visage, a diminué, a dégraissé naturellement, que ça a dégonflé, etc. Là, en effet, moi, c'est un truc qu'on m'a proposé et qui est trop bien. C'est magnifique, tu vois. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah ouais, mais tu m'aurais pas dit que t'avais une épithèse, je l'aurais pas deviné. » Je savais pas. En effet, en fonction de la différente des différentes étapes, genre l'été ou l'hiver, t'as pas la même pigmentation sur la peau, donc t'as une couleur qui est un peu plus mate ou un peu plus pâle. Et donc j'en ai déjà eu, je crois, 3 au total. Et donc moi, en fait, t'as plusieurs possibilités. Tu peux avoir des opérations qui consistent à te mettre des aimants de manière à ce que ton épithèse vienne se coller directement. Moi, c'était avec de la colle. En fait, la même colle qu'on utilise pour les perruques. Ça reste combien de temps? Ça reste la journée. Alors par contre, le problème, ça me fait penser à une anecdote. Le problème, c'est quand il pleut. En fait, c'est de la colle à l'eau. Donc en fait, ça s'enlève. On avait prévu d'aller au parc à Poitiers. Ah, le Futuroscope. Ouais, voilà, merci, le Futuroscope. Et donc le matin, il pleuvait et tout. Et je sentais que ma prothèse et c'était un petit peu décollé et tout, mais pas tant que ça. Mais je me baladais tout le temps avec ma colle. Et en fait, on a fait une attraction là. Il fallait enlever les lunettes, donc j'enlève mes lunettes et du coup, ma prothèse tient moins bien parce qu'avec les lunettes, c'est pratique. Et je me souviens que t'étais un peu brinque-ballée dans tous les sens avec cette opération, avec cette animation, pardon. Et je sens que ma prothèse se décroche. Et du coup, je vais dire aux personnes qui gèrent la file d'attente, je dis, ouais, j'ai perdu mon épithèse, ma prothèse. J'ai perdu un bout de nez. Oui, et du coup, je vois la personne descendre et me la ramener avec un mouchoir. Un truc improbable. Improbable. Voilà. Sur le coup, toi, tu l'as bien vécu quand même. Là, on en rigole. Parce que ouais. Oui. Ouais. Non, c'est vrai que j'ai eu un petit coup de flip au début. Je me disais, merde, j'espère que je ne l'ai pas perdu et tout. Mais c'est vrai que c'est une alternative qui est juste phénoménale, quoi. Et puis, c'est un travail d'orfèvre, c'est dingue, quoi. On les appelle les maçons du cœur, c'est vrai. Ouais, mais c'est vraiment fou. C'est des artistes, au final, parce que c'est vraiment, ils font ça au pinceau quand on les voit faire. Moi, j'ai vu des vidéos d'épithésistes créer ces parties de visage manquantes. Ouais. C'est bluffant. C'est fou. Non, c'est un travail de dingue. Par contre, du coup, donc, pour le nez, c'est temporaire. Oui. Tu peux pas la garder éternellement, on va dire. Je sais pas si c'est un cas général, mais moi, dans mon cas de figure, ça n'était applicable qu'à certains moments, tu vois. Et tu peux pas le faire tout de suite après l'opération, il faut attendre un certain temps. Et après, moi, lorsque j'ai commencé la reconstruction faciale, tu peux pas utiliser une épithèse. Parce que sinon, à chaque opération, il faudrait la remodifier. Et cette partie du visage est tellement amenée à bouger que, en fait, il faudrait limite que tu fasses une épithèse toutes les 2-3 semaines. Donc, c'est pas possible. Est-ce que tu peux toujours aller sous l'eau? Est-ce qu'il y a des problématiques liées à ça? Je sais que ce que David disait dans son témoignage avec l'épithèse, du coup, il peut plus aller sous l'eau. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est compliqué aussi? En fait, les sinus, c'est des cavités naturelles. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque ta peau s'ouvre, en fait, ça laisse place à un trou qui donne sur une cavité. Donc tu peux pas mettre la tête sous l'eau pendant hyper longtemps, que ce soit suite à l'opération ou suite à de la reconstruction. Et là, aujourd'hui, je peux. Okay. Donc c'est trop bien. Mais tu vois, genre, je te disais, quand ils m'ont prélevé un morceau de peau et que j'avais l'os du front, fallait surtout pas mouiller ça. Donc là, c'est pareil, tu te douches au pommeau, mais faut faire hyper gaffe que t'aies pas un jet qui aille sur le visage. Est-ce que tu appréhendes plus le regard des inconnus ou le regard des gens que t'as pas vu depuis 10 ans et que tu retrouves Là, pour avoir repris le boulot il y a 2 semaines maintenant, c'est un truc pour lequel je me posais beaucoup de questions, comment est-ce qu'on va me regarder, etc. Machin. Après, il y a certaines personnes qui étaient au courant et d'autres, je pense, qui ne l'étaient pas. Mais je trouve que j'ai été hyper agréablement surpris. Les gens n'ont pas trop bloqué sur moi. Et au taf, tu vois, j'ai pas ma casquette pour me cacher. Tu vois, dans la rue, j'ai ma casquette, donc ça couvre quand même vachement bien le front aussi. Mais c'est vrai que moi, à chaque fois que je parle à une nouvelle personne ou quelqu'un qui ne connaît pas la situation, j'essaye de décrypter un peu la manière dont ils me regardent. Enfin, qu'est-ce qu'elle se dit? Est-ce qu'elle focalise sur mes cicatrices ou est-ce qu'elle me regarde dans les yeux, etc. Ça, c'est toujours présent à chaque fois. Ouais, c'est toujours présent, mais c'est hyper récent, en fait. Ouais, moi, je n'assume toujours pas pleinement mon visage, là, aujourd'hui. J'ai peine à me reconnaître. De profil, je suis encore différent, tu vois. Est-ce que tu regardes des photos de toi avant? Ouais. Ouais. Et alors ça, je trouve que c'est un réel plus. C'est vraiment bon pour le moral, ça, de faire une photo et de regarder. À un moment, tu mets sur pause et tu te dis « Ok, d'où je pars ?» Tu vois, genre, l'opération janvier 2020, j'ai eu la force d'accepter de me faire prendre en photo. Et en fait, quand je revois cette photo, je me dis « Ah ouais, je pars de là, quoi. » Mais aussi, c'est un effort mental de se dire les chirurgies, il y a bien un moment où tu vas plafonner, en fait. Et tu pourras pas toujours faire mieux. Tu pourras pas faire disparaître, même si je sais qu'en bout de parcours, tu peux peut-être faire un peu de laser pour estomper un peu les cicatrices et tout. Mm-hmm. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu n'auras jamais le visage que tu avais avant, en fait. C'est un crève-cœur, hein, mais tu vois, c'est, faut l'appréhender, faut l'absorber, faut l'accepter, quoi. C'est ça. C'est un travail mental, quoi. Moi, je me souviendrai toujours d'une phrase que mon orthophoniste, elle m'avait dit. Tu vivras plus longtemps dans ta vie avec cette nouvelle voix qu'avec l'ancienne. Et ça m'a marqué parce que je me dis, pendant 22 ans, j'ai eu cette voix, une voix tout à fait normale, classique. Je vais vivre plus longtemps après avec cette nouvelle voix. Ça te change quand même psychologiquement. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est clair. Et en fait, c'est là où on se disait, c'est difficile de se projeter. En fait, tu vois, moi, naïvement, je me disais, OK, allez, j'en ai pour 6 mois, 1 an. Après, je reprends ma vie classique. Tu vois, j'avais ça en tête. Et là, j'en suis à presque 5 ans, entre guillemets, sur la touche. T'as une frustration, c'est ton corps qui te lâche, t'es plus là. Après, voilà, j'ai pu me concentrer sur ma vie de famille, je me suis marié, j'ai eu 2 enfants magnifiques qui m'apportent énormément de joie, je suis tellement fier, tellement chanceux de les avoir. J'ai une femme magnifique, superbe. J'aurais jamais la possibilité de passer autant de temps que je n'en ai passé avec mes enfants. Donc il faut savoir saisir les opportunités là où elles sont aussi. Moi, on m'a dit, c'est le cancer des menuisiers. Oui. Je ne suis pas menuisier, je travaille dans un bureau derrière un PC, donc rien à voir. Avec les poussières de bois, les fumées toxiques, ça fait partie des facteurs de risque. Mais donc, ouais, moi aussi, il y avait la partie papillomavirus. Oui. Donc c'était HPV positif, mais moi, mon chirurgien m'a dit que selon lui, il n'y avait aucun lien. Parce qu'en fait, généralement, quand tu as des cancers ORL dus au papillomavirus, c'est plutôt dans la sphère un peu plus basse. Pour autant, mon cancer est positif. Donc, en fait, c'est ça aussi, tu vois, il faut accepter qu'il n'y ait pas d'explication. C'est ça. Et tu n'en auras pas à vie. Non. Tu ne sais pas pourquoi tu as eu un cancer, à quoi c'est dû. Mais en fait, il faut accepter qu'il y ait des questions qui nous dépassent, tu vois. Et en fait, j'ai eu une période où j'avais une haine, tu vois. Je me disais, mais tu vois, j'avais envie de tout casser. Je me disais, mais c'est pas possible, tu vois. Une vie où t'avais prévu une trajectoire et là, pam, t'as un truc qui tombe dessus, qui vient tout éclater. Ouais. Tout casser, toute la trajectoire. C'est ça. Mais je le vois un peu comme, il y avait tout qui était tracé, ça a été chamboulé, mais maintenant ça va se passer comme ça et c'est pas forcément moins bien, au contraire. Oh. Et je sais pas, moi je le vois un peu comme, voilà, c'était écrit et je suis très heureuse dans ma vie comme ça maintenant. Ouais, et c'est ça. Peut-être que ça aurait pas été le cas avant. Enfin, moi j'aime bien voir du positif dans des choses qui peuvent être négatives, toujours tirer du positif en fait, des expériences de la vie. Exactement, ouais, c'est ça. Et alors oui, l'expérience du cancer, c'est une terrible épreuve. Et quand tu dois y faire face, c'était au bout du gouffre, hein, tu le disais toi-même. Tu peux pas tirer du positif sur l'instant T, enfin, au moment, évidemment. En fait, ça, même, t'es pas prêt à l'entendre. Non, t'es pas du tout. Tu peux pas le dire tout de suite à une personne qui a appris récemment qu'elle avait un cancer tout ou qui fait. Est en train de... Ouais. De suivre le protocole. Je le dis là et je te le dis aussi à toi, parce que j'ai pris du recul sur la situation et puis aussi parce que l'étape des traitements est passée, qu'il y a la rémission, il y a peut-être bientôt la guérison. Enfin, bien sûr. Et c'est étape après étape en fait, c'est les choses après les autres. J'irais même plus loin, si tu essayes de sauter une étape, en fait, tu y reviendras forcément. Ouais. Parce que tu peux pas aller plus vite que la musique. Mmh. Et je sais pas, toi, moi j'ai eu ça, c'était quand on m'a appris que j'avais un cancer, je me souviens que, donc évidemment t'es en boucle, et la nuit, je me réveillais au milieu de la nuit, et je me disais, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que j'avais un cancer. Et direct après, je me disais, non putain, c'est pas un rêve, c'est pas un cauchemar, c'est la réalité. Alors je l'ai vécu de cette manière-là, mais oui, effectivement, la nuit, c'est un moment où tu peux pas contrôler en fait tes pensées. Et moi, je l'ai eu avec la voix où je rêvais la nuit, enfin, je rêve d'ailleurs encore certaines fois de ma voix d'avant. Enfin, je sais pas si c'est ma voix d'avant, mais c'est une voix, pas celle qu'on entend aujourd'hui. Eh ben, c'est marrant, parce que moi, j'ai rêvé à plusieurs reprises que je sentais des odeurs. Ah ouais, bah ouais. Tu vois. Au début, c'est dur, mais je sais pas comment tu l'as vécu la première fois que t'as senti des odeurs pendant ton rêve. Tu tiens, en fait, c'est revenu, et après, t'es rattrapé par la réalité, quoi. Là où, en fait, c'est en ça que c'est bien un cauchemar, parce que ça reste un cauchemar. Ouais. Et c'est pour ça que, tu vois, moi j'utilisais ce terme-là, c'est un cauchemar éveillé, parce que c'est, tu te dis, ah ouf, j'ai fait un cauchemar, mais non, en fait, c'est ma vie qui est un cauchemar. Tu vois, on parle beaucoup de résilience aujourd'hui. Peu de gens savent ce que ça veut dire, effectivement. Oui. La résilience, en fait, c'est l'aptitude à passer un choc traumatique. C'est ça la définition du truc. C'est marrant parce que j'ai appris, moi, la définition de ce mot-là. J'avais entendu ce terme-là dans des conversations, sans vraiment savoir la vraie définition. Ouais, le sens profond du terme. Le sens profond. Et je l'ai appris avec l'expérience du cancer, avec Corasso aussi, de ces différents parcours qu'on peut voir. Et je trouve que dans nos cas de figure, ce terme-là est vachement approprié. Ouais. Partout, on parle beaucoup de soft skills. Et en fait, c'est vrai, c'est les forces de caractère, l'aptitude à passer des chocs traumatiques, le fait de se concentrer vers le positif, réussir à se prendre du recul. C'est très dur, hein. Travailler sur soi, mettre sa vie en pause, se recentrer sur les bonnes choses, sur les trucs réellement importants. Si la vie demain s'arrête, qu'est-ce que je veux que ma vie ait donné comme fruit, en fait ? Je me souviens d'avoir demandé à mon chirurgien ORL s'il existait une association ou quoi, un truc pour parler. Et il m'a parlé de Corasso. Donc on est en 2020 à l'époque. Ouais. Et je me souviens que du coup, après j'étais allé voir sur internet Corasso et je tombais sur la campagne Quoi ma gueule. Et là, ça m'a mis un coup parce que j'ai vu certaines personnes et j'ai vu leurs stigmates et je me suis dit, attends, mais ça veut dire que dans genre 4 ans, j'aurai encore la gueule cassée. Et en fait, c'est vrai que si là, aujourd'hui, on faisait une photographie et qu'on l'envoyait à mon moi de 2020, mais j'aurais encore plus peur, tu vois. Je me souviens d'en avoir discuté avec Sabrina, ça. Et elle me disait, c'est vrai que... Bah voilà, c'est... En fait, t'adresses pas forcément les mêmes personnes. Mais moi, en tant que personne qui venait d'apprendre qu'elle avait un cancer, qu'on allait l'opérer, tu parlais de chirurgie mutilante, pardon. C'est exactement ça, tu vois. En fait, t'as déjà un tel poids en fait, sur les épaules, que là, ça te remet un coup, tu vois. Et c'est vrai que cette campagne, elle est hyper impactante. Enfin, elle est très parlante, quoi. Ouais. On voit tout de suite, on comprend tout de suite, on sait. En fait, ça dépend aussi à quelle étape de ton parcours tu es. C'est ça, c'est ça. C'est que, je prends mon exemple, quand moi, le chirurgien, il m'a dit, on va vous faire une laryngectomie partielle, vous allez parler avec une voix très rauque. S'il m'avait fait écouter à ce moment-là la voix que j'aurais, j'aurais refusé complètement. Dans ma tête, en tout cas, j'aurais fait un blocage. J'aurais pas entamé le parcours de la même manière. C'est clair, c'est clair. Et en même temps, je pense que ça dépend de chacun. Parce que, je prends l'exemple de Charlotte, qui du coup a eu la même opération que moi il y a quelques jours, et qui m'a entendu parler. J'avais peur justement qu'on se rencontre. Alors elle avait vu des vidéos de moi, donc elle avait déjà entendu ma voix. Et moi j'avais peur que ça la bloque en fait, qu'on se rencontre en vrai et que ça lui fasse peur ou je sais pas, tu vois. Et elle me disait que non, au contraire, ça la rassurait et que ça lui faisait du bien. Et parce que surtout, elle voyait que y avait une vie après et que j'étais très heureuse dans ma vie à l'heure actuelle, même avec cette voix-là. Ouais. Et ça l'a motivée. Ça dépend de chacun. Moi, je sais qu'au tout début, c'était pas forcément l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et je comprends tout à fait que toi, ce soit pareil en voyant des photos. Après, c'est une campagne un peu coup de poing. Mais c'est vrai que quand je regarde un peu dans le rétro, je me dis, ouais, c'est délicat. Tout dépend de l'état dans lequel tu es, en fait. Tu te projettes forcément, en fait, et tu t'identifies aux personnes qui ont la même pathologie que toi. Et en même temps, c'est vrai qu'il faut garder à l'esprit que peut-être qu'on a des pathologies qui sont... Enfin, on a des pathologies similaires, mais encore plus, je pense, avec la reconstruction. Chaque personne est unique et chaque personne a sa propre reconstruction. Ouais, ouais, bien sûr. Puis après, t'as des seuils d'acceptance qui sont différents. Ouais. Je sais que moi, ça y est. Enfin, limite, j'ai un peu fait le deuil de... Je sais que j'aurai jamais le niveau de satisfaction attendu. En fait, moi, dans mon esprit, je voulais reprendre le boulot avec ma reconstruction finalisée, tout terminé, que ce soit derrière moi. Mais en fait, te dire ce sera derrière moi, ce sera jamais vraiment derrière toi, en fait. C'est ça ce qui est compliqué aussi à digérer, à absorber. Tu vis avec. C'est ça. Fritz. Tu vis avec. Tu peux pas l'oublier parce que c'est là. Ouais. Que ce soit avec les miroirs ou avec la communication à parler, bah en fait, tu es confronté au quotidien avec ça, tu peux pas l'esquiver, ouais. En fait. Ouais, ouais. Et je me souviens que, tu vois, quand j'avais demandé à mon chirurgien s'il existait des trucs, enfin des organisations, des assos ou des trucs, et moi, je sais que ce qui m'aurait fait du bien, je pense, c'est discuter, t'es un peu les cercles de discussion que tu peux voir notamment aux États-Unis, que t'as pas trop en France, mais tu vois, des cercles de patients qui viennent et qui discutent comme on fait là. En fait, je trouve ça trop cool, tu vois, et la chaleur humaine, et tu parles des mêmes choses, et ça fait beaucoup de bien, je trouve. Ouais. Ouais. Tu vois, je me disais, en fait, faudrait peut-être mettre ça en place aussi avec Corasso, j'en sais rien. On a commencé là avec en Bretagne, oui, avec Caroline qui fait tous les mois. C'est Corasso Partageons. Ouais. Donc sur Facebook, on a Corasso Échangeons, donc où on échange sur un groupe privé, donc ça reste du digital entre guillemets. Moi après, ouais, moi c'est à titre perso, c'est vrai que ça me parle pas. Enfin, moi il me faut du. Ouais. Mais oui, et c'est pour ça, et il y a de plus en plus de gens qui, de membres de l'association qui ont besoin de ce contact, cette chaleur humaine, ce contact humain. Et du coup, on a voulu créer Corasso Partageons, où on partage dans la vraie vie. Là, ouais, ça prend en Bretagne, et c'est aussi le cas en Normandie avec Virginie. C'est des rencontres entre patients et dents, quoi. Ouais. Et parce que on a besoin de ce contact humain, quoi. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à ce podcast. Ouais. On a beaucoup discuté, beaucoup échangé. Ouais, c'était riche. C'était très riche, ça fait du bien. Sympa, ouais. Ouais. Ouais. Merci à toi et puis merci. À très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête. Le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt.